Hi, mama. Soya. Rose and Simba Punza. Odio le kanda, vansoy le kaki. Azala ki o kura pera ebi situation. Gana bela ki, pena libisa ki. Ma pena ya maso bo se na kita. Gana bela ki, pena libisa ki. Ma kama na ya maso bo se na kita. La vie na yo, c'est qu'on sale maquillage. La vie na yo, au ligui que la cité. La vie na yo, c'est bon. Oh. La vie na yo, c'est qu'on sale maquillage. La vie na yo, c'est qu'on sale cisali na bato. La vie na yo, au ligui pour salade. La vie a si casala maye, mokola ka elongo na bomoto. Yoko sala sala bisale la kanisa veni. Mama o, otema o. Yoka matama inyoso ya ebale. Opwa ka yango na mokili mene yoko kanisa. Yoko sala masomo ye basuka mokili te. Oh, hélas, mon thème. On dit qu'elle est toxica. Kissinge, on peut pas gagner qu'un pote. On peut pas gagner qu'un pote la pote. Kisso Awa, un sentiment là, très, très, très, très, très, très, qui t'aura. Et les bons champions, les bons champions vous arrivent. Et sans oublier Mayaka Junior. Au bon Mayaka. Oh, Topsy Pop, on t'y connaît. moto Oko sala sala bisale la kabisa veni oh. Yoka matamba inyoso ya ebale Opa kaya kona mokili wende yoko kanisa Oko sala masoko eba suka mokili te La vie na yoro, au sala maquillage La vie na yoro, au lingi que la cité